médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres, bien entendu, vous êtes bien sur le 89.5 de Dio, et c'est plus fort, j'entends rien, qui commence. C'est la rentrée pour moi en ce 13 septembre, 14 si vous écoutez en rediffusion ce jeudi, et je suis bien content de reprendre l'antenne pour pouvoir partager avec vous les kiffs et les coups de cœur de Dio. Il va y avoir deux types de kiffs aujourd'hui, il va y avoir un long moment qui va être consacré à un reportage sur le collectif de collage féministe réalisé par Marie qui a été en stage et qui a fini ce 30 minutes pendant l'été. J'en parlerai juste après. Il va y avoir aussi les nouveautés de ce mois de septembre, nouveautés musicales 1-30-30, 50-50, moitié-moitié, c'est parti. On commence avec le gros coup de cœur de la semaine. C'est bien entendu... C'est chouchou hein, chez moi. Le nouvel album de Dina Abdelwahed. J'en ai parlé plein de fois, donc d'origine tunisienne qui est émigrée en France, a sorti son premier album, Renard, en 2018, plusieurs EP, et qui là sort cet album, toujours chez In Fine, Djibal Ressas. Elle le voit comme pétri d'influence de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, avec des rythmiques notamment du Falzani tunisien, du Shaabi marocain, du Dabke libanais ou du Khalidji des pays du Golfe. Mais plutôt que d'en parler, bien, je vais vous lire un manifeste, car elle a écrit ni plus ni moins un petit manifeste pour présenter cet album. Pour moi, Djibal Ressas, c'est une agora de son, c'est un foyer pour le groove, la boussole qui me sert à composer de la musique et à danser, où j'invente mon propre langage musical et où je crée mon point de vue sur la refonte de la musique arabe alternative. Dans mon cosmos musical, j'essaie de créer une sorte de laboratoire, j'essaie d'étirer les petits bouts de rimes, de rythme et de conception sonore, avec une vue d'oiseau, ou une oreille d'oiseau pour ainsi dire, qui vole à l'envers, suffisamment loin pour apprécier ces pièces et les explorer correctement. Faire des morceaux plus longs est une partie du voyage. Cela permet aussi d'avoir assez d'espace pour explorer autre chose qui m'amuse profondément ma curiosité. Même les mélodies que j'explore, bien qu'inspirées par la musicalité des danses et des chants arabes actuels, qui n'ont jamais eu de règles de toute façon, sont mes intentions vagabondes. D'une certaine manière, Djibal Ressas vise à créer une démocratie des sons où il n'y a pas de stars, de protagonistes ou d'individus, mais plutôt une célébration du puissant esprit collectif. قررت الملكوبة نفسي إبلاغ من هيمن الأمر بأن صاحب السمو مخي غير كاهن بواقع المر فتارة يقلل من شخصي وأخرى يمجد بالغير استحالة يسامح أغلاطي وكأنها مستمرة من قبل فكيف لإسفنجة أن تدرك بالشؤون وتحاسب ووجداني باقي أصم تاعب من مجتمع بارد فيا صاحب الجلال الحيوي دعني أداعب الحياة ولا تقيم علي وحدي واعتبر صعوبة البلاد الملكوبة du label In Fine. We'll be right back. sauvage, impénant, radio-dio. Radio-dio, 89.5 FM. 8-9-5 Dio, plus fort j'entends rien. On a commencé par le nouvel album sorti début septembre de Dena Abdelwahed. Et ça a été suivi par un teasing plutôt, le musicien réunionnais Label qui sortira sur le même label justement, In Fine donc. Un album à venir au mois d'octobre prochain. Et ce musicien que j'ai choisi de jouer puisqu'il fait une parfaite transition vers l'écoute vers laquelle nous dirigeons. Marie, qui participe à l'émission Gaming et Politique que je vous recommande chaque dimanche dans les veillées mensuelles à 20h30, le quatrième dimanche du mois, une émission consacrée à la lecture politique des jeux vidéo. Marie donc a profité d'une petite occasion pour faire un stage en mai-juin dernier à Radio Dio et a fini ce reportage donc, qui était l'objet de son stage. 30 minutes consacrées au collectif de collage féministe de Saint-Étienne. 30 minutes d'écriture radiophonique, un temps de montage, un temps d'enregistrement et dans les collages in situ et de recueil de témoignages des personnes qui participent à ce collectif que on n'a pas le temps à Dio toujours de soigner autant. Beaucoup de montage, beaucoup de travail et un gros big up pour ce super beau docu radio qui a été réalisé et qui permis de continuer un petit peu puisque maintenant elle commence une formation en documentaire. On aura bien entendu des nouvelles par la suite, j'espère. En tout cas, un gros, gros, gros plaisir de bosser avec Marie et un gros plaisir, j'espère, que vous aurez à écouter ce 27 minutes 25 intitulé « Collage féministe » sur le 895 de Dio. Je fais une deuxième ligne, là. On justice nulle part. Il n'y a personne. Si. Attends, je vais sur la deuxième ligne. J'ai même pas de cap. Les paillettes, la rage, c'est pas mal ça. Ouais, les groupes, on a des fiertés. Perdre aux émissions, c'est cool. Collectif des collages féministes de Saint-Étienne. Alors, on fait des collages pour dénoncer toutes les sortes de domination du patriarcat dans la société, même un peu toutes les sortes de domination, aussi capitaliste ou coloniale. On colle sur plein de thématiques donc avec ces thèmes, mais surtout en fonction des personnes parfois présentes, en fonction de leur ethnicité, de leur revendication sexualitaire, enfin d'identité au niveau de leur sexualité, etc. Donc chacune essaye aussi parfois d'utiliser son expérience pour proposer des slogans. On a aussi déjà collé des témoignages. D'ailleurs, il y en a un qui s'était pas très bien passé, mais voilà. Et moi, bah, ça fait, je ne sais plus, ça fait 2 ou 3 ans que je suis dans le collectif. Je suis un peu perdue dans l'espace-temps. Mais je suis en ce moment la plus... Enfin, celle qui est là depuis le plus longtemps. Alors, les collages, si je me souviens bien, je crois que c'est né en 2019 à Paris. C'était surtout pour dénoncer les féminicides à la base. Et donc, ça s'est né à Paris, je crois, en 2019. Et après, ça s'est diffusé dans plusieurs villes. Maintenant, il y en a dans toutes les grandes villes et même les petites villes, en fait, il y en a partout. Et après, oui, il y a des spécificités. Il y a des groupes, des collectifs de collages qui sont plus ou moins intersectionnels. Donc, il y a des groupes qui peuvent être transphobes ou abolitionnistes. Ça, ça existe. À Avignon, notamment, je sais qu'il y a un groupe comme ça. Et après, ça dépend, en fait, tous les... Dans chaque ville, il y a ses spécificités. J'ai collé à Dijon, j'ai collé à Nantes. C'était pas du tout le même fonctionnement. À Strasbourg non plus. Et je dirais que le collectif de Saint-Étienne, il est plutôt... Enfin, il est carrément politisé, plutôt, je dirais, antifasciste. On l'exprime, c'est pas exprimé directement, mais dans ce qu'on colle, ça rejoint l'antifascisme. Et on fait pas que ça, on se rejoint pour d'autres choses, on fait d'autres actions, que ce soit direct ou indirect, mais en tout cas, on fait pas du collage, et ça, c'est pas non plus dans tous les collectifs. La violence de l'État comme preuve de sa faiblesse. Là, sur le boulevard. Ok, bon. Je crois que sur le boulevard, il est long. On veut vivre. On est un collectif intersectionnel parce qu'on voilà, on lutte contre toutes les formes de domination et pas seulement certaines ou celles de femmes cis blanches hétéro qui pourraient voilà être un peu plus lambda dans le féminisme. Donc on essaye voilà d'être le plus déconstruit aussi possible, même si après quand les gens arrivent, on est tous et toutes à des étapes de déconstructions différentes, mais les collages en tout cas sont un vrai, dès que tu arrives dans le collectif, tu as une vraie déconstruction, et souvent c'est comme je dirais, c'est un petit stage de vie très rapide, parce qu'il y a des profils, il y a plein de profils différents, et comme on se voit assez souvent et que des fois on devient très vite aussi amis avec certaines personnes, on se dirait qu'on se déconstruit très vite. On a un groupe en mixité choisi. Donc ça veut dire que on a un collectif où il y a toutes sortes de personnes, enfin toutes personnes, sauf des mecs cis. Donc il y a des personnes transgenres, des personnes cisgenres, enfin des meufs cisgenres et des personnes non binaires. Du coup, quand on a repris, enfin qu'on a essayé de faire une charte claire pour justement se positionner par rapport à Marguerite Stern et les collages féminicides de Paris, de partout, qui avait été lancé en 2019 ou 2018, je ne sais plus. Eh bien, nous, on a changé de nom. Du coup, maintenant, ça s'appelle Collage Féministe Saint-Étienne. C'est plus, enfin, pour nous, c'est plus inclusif parce qu'on ne colle pas uniquement sur les féminicides, même si ça reste un sujet encore important, pour que ce soit plus, voilà, plus inclusif et qu'on montre qu'on touche d'autres sphères que celle-ci, et surtout qu'on se désolidarise complètement de Marguerite Stern, de ses propos transphobes, parfois racistes aussi, et qui peuvent être très problématiques, parce qu'elle s'approprie aussi un peu les collages, alors que c'est une forme de militantisme qui a toujours existé, et même si elle a été une des premières à en faire, enfin nous en tout cas on ne veut pas y être... On veut pas y être, je sais pas comment dire, associé. Oui. Voilà. On aurait dû être la rage en rouge. J'avoue. On aurait pu mettre des paillettes aussi. Hein? Alors, on soit obligé d'utiliser le collage parce que, pour plusieurs raisons, déjà, ça permet de se réapproprier l'espace public. Et surtout la nuit, quand on colle la nuit, ça permet aussi de se réapproprier l'espace public la nuit. Et qui plus est, en groupe de personnes sexisées. Et aussi parce qu'en fait, ça se voit. Enfin, c'est des messages qui se voient, qui sont temporaires, qu'on peut décoller facilement. Donc il y a moins de risques d'amende. Ça, c'est un outil pratique parce que, disons que la différence avec le tag, c'est que déjà, on a beaucoup moins de risques judiciaires. Il y a un peu un flou juridique dans la loi. Alors peut-être qu'ils l'ont amélioré depuis que les collages se sont mis en place, parce que... Mais en fait, disons que tu risques pas grand-chose si tu fais des collages. Tu peux risquer après des violences policières, autre chose, des gardes à vue, bon ça c'est autre chose, mais en termes de la loi... t'as un flou juridique où tu peux aller de, je crois que c'est 69€ ou 68€ le collage, entre guillemets. Mais c'est très très rare qu'ils te mettent une amende pour ça. Et en fait, c'est vu comme la dégradation légère. Donc en fait, c'est beaucoup moins violent, ou ça peut être beaucoup moins problématique au niveau de la loi qu'un tag ou autre chose. Donc ça, je pense que c'est pour ça que c'est plus accessible et qu'il y a aussi beaucoup plus de personnes qui le font. Et moi, en tout cas, je trouve que le fait de mettre des feuilles, c'est quelque chose de collectif, parce qu'il faut mettre la colle, il faut poser les feuilles, il faut réfléchir collectivement. Donc je trouve que c'est mieux que juste un tag où, par exemple, on est seul, même si le tag est très politique aussi et sur d'autres endroits. Mais je trouve que le tag peut être un peu plus individualiste ou juste, peut-être, il peut être pensé collectivement aussi. Mais les collages, voilà, c'est vraiment une organisation spécifique qu'il faut un minimum avoir. Donc pour moi, c'est un outil de lutte assez important. Très haut, et là, par plusieurs lignes. Genre violeur, hors de nos rues, genre, tu vois. Et moi, je suis pas très bien, là. Tu veux, vas-y, je cote. Mais il n'y a personne qui recolle derrière moi. Non. Elle a une tête dessous et moi je Ce qu'on aime faire, alors ça, c'est un peu, ça dépend un peu de chaque personne, mais nous, comme on est un collectif, on aime bien se retrouver pour faire des sessions peinture où une personne du collectif propose chez elle un lieu ou un autre lieu. On a déjà peint un peu dehors, mais bon. Entre le vent et les gens, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire forcément en public, mais on l'a déjà fait par exemple dans des endroits collectifs aussi, à la Gueule Noire, enfin à des endroits aussi plus autogérés. Et souvent, donc, on peint une dizaine de slogans, enfin, on se retrouve entre nous, souvent c'est un apéro, on discute et puis après on se fait une petite liste de slogans. Chacun, chacune s'occupe d'un slogan qui soit qu'il le touche, qui elle la touche, soit qui elle a envie de peindre. Et des fois aussi, enfin tu vois, quand il y a une personne qui nous dit ouais, moi j'ai un slogan, j'ai trop envie de le coller, du coup on lui garde aussi dans le sac, parce qu'après du coup quand on a peint, on fait sécher, on trie tout ça, et en fait on se retrouve quand c'est possible pour aller coller nos slogans. Et soit on prend des... quand il y a de l'actualité, on écrit sur l'actualité. Et après, il y a des messages qui reviennent souvent, quoi. Des messages qu'on met tout le temps, le sexisme tue, anti-patriarcat, des choses comme ça, quoi. Oh, on en a plein, là. Oh là là, ouais. Vas-y, dis-nous tout. Perdre Rio d'émission. Tu vois, c'est pas du tout... L'État ne nous protège pas. Hétéro-overdose. Bravo les lesbiennes. Cuir et fier. Anonyme dans l'histoire, était une femme. Confronte ton point violeur. Darmanin dégage. Cannes déroule le tapis rouge pour les agresseurs. Respecte-nous. Violeur hors de nos rues. Violence policière accablante. Arrêtez de capitaliser sur nos luttes. On veut pas bosser plus, on veut vivre mieux. Merde, c'est quoi la violence de l'État comme preuve de sa faiblesse, il est en atroce. Ah ouais, okay. Et il est énorme. Ok. Mais bon. Alors il est petit. On peut peut-être mettre hétéro. C'était quoi déjà? Darmanin dégage, allez go. Les mots viol, les mots inceste, je pense que ça violente pas mal de monde. Et du coup, on essaie de pas les coller sur des habitations de particuliers, plutôt sur des murs neutres, enfin si on peut appeler ça des murs neutres, mais pour pas qu'on se dise, enfin tu vois, si un ou une voisine descend et voit, je sais pas, violeur, on te voit sur son mur, et que, enfin je sais pas, la personne, ça peut lui renvoyer, je sais pas, soit des trucs horribles, soit des trucs, enfin je sais pas, ça peut être, on n'a pas envie de mettre personne en, enfin personne, si. Plein de gens en porte-à-faux, mais pas forcément des personnes lambda qui n'ont rien demandé et qui sont tranquilles dans leur petite vie. dans mes expériences de collage, soit les personnes viennent nous demander pourquoi on colle ça, qu'est-ce que ça veut dire, mais ça peut être des questions bienveillantes. Et des fois, c'est des gens qui sont hyper énervés, qui veulent qu'on décolle, machin. Et puis des fois, c'est la police qui arrive. Et donc, ça dépend. Des fois, ça se passe bien, c'est le contrôle d'identité, demande de décoller. Mais il y a des cas où il y a ces gardaves. Et il y a... Ouais, et il y a des, les coloreuses de Montpellier, elles se sont faites foncer dessus par un mec en voiture. Et donc, il y a plusieurs coloreuses qui ont été blessées, qui sont à l'hôpital. Mais pas par la police? Non, par un mec lambda. Ouais. Et il y a un procès, alors je crois qu'il est passé, mais à Nantes, il y a des coloreuses qui ont été en procès. Et une autre ville encore, alors je sais, bah Strasbourg, je crois. Il y a eu un procès à Strasbourg aussi. Donc c'est pas, en fait, coller c'est pas sans danger, c'est, il y a toujours, quand tu veux intégrer le collectif, t'as toujours, comment dire, une rencontre qui explique les risques que t'encours à coller dans la rue, parce qu'en fait c'est illégal. Il y a quelques semaines, apparemment il y a quelqu'un qui a appelé la police pour nous dénoncer, en disant qu'on collait des choses ou qu'on faisait des choses, enfin je sais pas trop ce qui a été dit. Et la police est arrivée, on était en centre-ville, et avec deux fourgonnettes à nous coincer dans une rue. Et ça a été un peu violent parce qu'ils sont descendus à 10 ou 12 en appelant des renforts. Enfin, on avait l'impression d'avoir fait un crime alors qu'on collait juste des bouts de papier sur des murs, la plupart du temps en plus abîmés ou abandonnés. Quoi, IL sont arrivés en cow-boy, descendus, ni bonjour ni merde. Ben, tu sais, en gros, arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites vos pièces d'identité, s'il vous plaît, nanani, nanana, etc., etc. Une fois, on s'est fait emmerder, on avait collé ni Marine, ni Macron, on avait ni Zemmour, ni Le Pen, je sais plus ce qu'on avait mis. Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron, non, il n'y avait pas... Zemmour crève, il est resté super longtemps, à Tarentaise, mais donc ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron, je sais plus, il y a un gars qui est venu le décoller, et il était défoncé... un très grand blond qui se croyait tout permis parce qu'on était cinq, et le gars il est arrivé, il a tout décollé. On lui a dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et après, je sais plus, il y en a une qui s'est interposée et qui lui a dit non mais en fait t'es défoncé là, donc calme-toi. Et il s'est calmé parce qu'en fait il était un peu défoncé aussi. Et du coup on a recollé. Mais tu vois, il y a des trucs, souvent c'est des gars qui peuvent être même tout seuls et qui se disent mais en fait elles sont 6, enfin elles sont 6, 5, 6, 7, mais en fait on s'en tape, moi je suis un gars, j'arrive, je fais ce que je veux en fait, tu vois. Du coup il y a un rapport de force dans la rue qui est quand même compliqué et qu'on cerne de plus en plus. J'ai intégré le collectif il y a tout juste deux ans, en juin. En fait, avant, j'étais engagée plutôt dans le zéro déchet, enfin, dans une asso que je respecte toujours, mais pour moi, je trouvais ça un peu très bobo, très... Après, c'est toujours des causes qui m'intéressent, mais c'était plus là-dedans que j'avais envie de lutter. Et ça faisait longtemps sur Instagram que je voyais des collages super cool et super vénères. Et en fait, je crois que j'avais envie que ça bouge, tu vois, là, zéro déchet. Je leur disais, allez, mais on va jeter toutes les poubelles par terre et tout, que les gens, ils se rendent compte de ce... Enfin, tu vois, j'avais envie d'action, en fait, d'aller dans la rue, de faire des trucs qui soient visible, quoi, parce que faire des ateliers tawashi, enfin, c'est bien. Non, mais tu vois, le dimanche matin à Tatou Juste, où il y a des gens qui gagnent entre 3 et 4 000 euros, alors c'est très réducteur ce que je dis, mais bref. Du coup, j'avais envie de lutter autrement, et donc j'ai écrit sur Instagram aux personnes qui s'occupent du Instagram des coloreuses, et on s'est rencontrés, on a bu des coups. Et après, on est allé coller, après, on a rebut des coups et on est allé recoller, on a peint. Et ouais, on a créé des relations particulières aussi avec les personnes qui sont souvent là, qu'on retrouve souvent. Moi, ça fait depuis, je dirais, septembre 2019 que je colle. Et je trouve que c'est une façon de s'intégrer dans une... Enfin, disons, je connaissais déjà la ville, mais en tout cas, pour s'intégrer dans un collectif féministe, c'est une bonne porte d'entrée, parce que ça nécessite pas... J'ai l'impression qu'on n'a pas le besoin de se sentir légitime ou de se savoir un tas de choses sur le féminisme pour intégrer ces collectifs. Donc à Dijon, c'était le cas, et puis on était une belle bande de copines, du coup... C'est pour ça que j'ai commencé là-dedans, pour ensuite intégrer d'autres collectifs. Et à Nantes, c'était pareil. Saint-Étienne, c'était vraiment des villes dans lesquelles je venais d'arriver. Et en fait, intégrer les collages, c'était une façon d'intégrer le réseau féministe des villes, quoi. Ah bah moi, je me sens bien. C'est une façon de militer où pour moi, personne ne se met en avant. C'est quelque chose de collectif. Normalement, on est anonyme et personne n'est censé savoir qui est derrière les collages. Donc, ça peut être un peu n'importe qui. Ça peut être ta mère, ta sœur, ta pote, ton pote aussi d'enfance que t'as pas revu depuis 10 ans. Et il s'est passé cette sororité, cette adelphité entre nous hyper fort. Oh, on peut en faire. Tu as de faire du collage. Oh non, pas sur une autre fille. C'est moche. On l'a collé au moins 10 fois là-dessus. Lorsqu'on colle et lorsqu'on est en groupe de personnes sexisées dans la rue et dans la nuit, c'est beaucoup de force et du coup, oui, après, ça, cette force-là, elle reste, quoi. Soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola, soy Teresa. Soy la na na na na na na na na na na na na na na na. El feminicida. Nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos. Todas las morras peleando en Sonora por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cuando on est plusieurs, on n'y va là où. Et qui, ça leur a fait du bien, en tout cas ça a changé, ça leur a permis de ressortir seule la nuit aussi, qu'elle ou Yel n'arrivait pas avant. Je sais pas, il y en avait un peu en haut, mais peut-être pas en bas. C'est quoi dans le sang ? Bah, il y a preuve de sa faiblesse encore, hein. Il va falloir y aller. Hein. Ça boit ! J'ai pensé qu'on avait mis de la neige dans le... Dans ah ouais, c'était dans... là. Ouais, dans le seau, là. Ah oui, c'était drôle. Ah oui, la neige. Trop froid. Ah oui. On souffle dessus pour qu'elle fonde. On essaie d'inverser le cours des choses. On essaie de renverser la balance, parce qu'il y a trop d'injustice. Il y en aura peut-être toujours, mais en tout cas, on essaie de faire ce qu'on peut pour... parce que nous, on n'en peut plus, et du coup, on colle sur les murs ce qu'on a à dire par rapport à ça. En fait, j'ai l'impression de construire quelque chose en dehors de la société, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie, on se rencontre, il y en a qui sont plus ou moins disponibles. Enfin, il y a une certaine liberté aussi de militantisme, il y a une forme de solidarité, et moi, je me trouve très libre là-dessus, sur cette façon de militer, en tout cas. Ça me donne de la force, en fait. Enfin, vraiment, les gens, on est là... Enfin, en fait, il y a des personnes qui ont des blessures béantes, mais qui ont une force, franchement, extraordinaire. Et moi, ça me nourrit grave. Allez, à trois, c'est dur hein, quand t'as une main. Des fois, quand on prend des risques, en fait, ça fait monter un truc. Enfin, quand on l'a fait, on se sent encore plus puissante, quoi. Personnellement, j'aimerais bien passer un niveau au-dessus des fois. Je sais pas, faire d'autres choses. Bah, on a fait une banderole qu'on n'a pas encore affichée, mais ouais, monter sur le crassier, je sais pas, faire des trucs un peu plus d'envergure, faire des trucs... Tu vois, pourquoi pas aller coller sur la mairie, ça on s'est jamais trop posé, mais après on prend davantage de risques, donc c'est aussi s'engager sur d'autres choses, quoi, sur d'autres plans. On verra. Merci aux coloreuses du collectif Collage Féministe de Saint-Étienne pour leur temps et pour leur accueil. Merci à Radio Dio et tout particulièrement à Loïc. Dans ce documentaire, vous avez pu entendre les chansons Giant et Elude de l'artiste Label, ainsi que la chanson Canción Sin Miedo de l'artiste Vivir Quintana. C'était un documentaire de Marie Bobichon pour Radio Dio. Radio Dio 89.5 FM. Je renouvelle les remerciements aux coloreuses d'avoir accordé leur confiance à Dio et à Marie pour ces témoignages qui développent un petit peu leurs mots et on colle un petit peu d'autres sur ces grands collages de papier qu'on peut voir dans les rues. Et je renouvelle aussi mes félicitations à Marie pour ce premier docu sonore, avoir appris les techniques et la logique du montage pour produire ce super beau documentaire, reportage. On continue en musique, on retrouve l'actualité musicale, on part en Suisse tout de suite sur le 895 de Radio Dio. Thank you. the side of our eyes. They drop from the sky, and we will lay down, stirring way above. Her box on the ground. There's something in me right here, we know. It probably is the end of the world. This feeling is weird and will not go. C'était Louis Jucker, à l'instant Louis Jucker, Louis Juquet, et le nouvel ensemble contemporain, c'est un chanteur, compositeur, producteur DIY qui vient de La Chaux-de-Fonds en Suisse, qui notamment officie dans le groupe Coil Guns, et qui sort un nouvel album intitulé Suitcase Suit. Ça sort chez Humus Records, il a déjà fait un EP sur ce label. Et ce nouvel album a été entièrement composé, improvisé dans un mini studio qu'il partage avec un des icônes du groupe Efterklang au Portugal. Moi j'aimais beaucoup déjà ses solos assez folk blues comme ça, mais avec quelque chose de très rugueux, très sale, un esprit noise garage. Et là, eh bien, du coup, une création d'électro contemporaine hyper belle. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Je vous conseille largement ce disque qui transitionne fort bien vers le suivant. Will Sampson, dont on a déjà régulièrement parlé sur le 895 de Dio. Pareil, un projet un peu hybride entre folk, post-rock, electronica, des textures très étirées, assez instrumentales, même si le morceau que je vais vous passer est un de ceux où il y a le plus de voix. Ça sort sur un label XP qui s'appelle 12K. Et du coup, ce nouvel album s'appelle Harp Swells, que je vous propose tout de suite d'écouter sur le 895 avec le morceau And Yet. Maybe, maybe I belong right here, right now. Maybe, maybe I belong right here, right now. Maybe, Maybe I belong. Thank you. C'était Onéotrix, Point Never, à l'instant sur le 895 de Dio, dans Plus Fort J'entends Rien, le projet de Daniel Lopatin, qui sortira son nouvel album le 29 septembre prochain sur le label anglais Essentiel qui est Warp Records et qu'on associe surtout beaucoup à Aphex Twin, bien entendu. Un premier single, en tout cas, qui augure de très bon pour cet album de ce producteur électro que j'affectionne particulièrement. On va finir Plus Fort J'entends Rien en traversant l'Atlantique et en allant dans le sud du Canada retrouver le projet hip-hop à la claire ensemble. Nouvel album Les Paternels qui sort sur les disques du 7e ciel, footrack, humoristique, varié. Il y a même une chanson de folk, chanson québécoise qui parle de l'ego trip hip-hop. Enfin, ça va vraiment un peu dans tous les sens. C'est très drôle, je vous conseille largement ces 16 morceaux, Les Paternels, à la clé ensemble, tout de suite, pour finir, dernier morceau de cette ligne droite de Plus Fort J'entends Rien de la rentrée. Non, genre, y'a trop moi qui voudrait rapper comme s'il y avait de quoi à dire, mais y'a rien qui sort, quand tu bouges les lèvres, juste après qu'elle fasse une merde, pourtant t'es sur les baisses comme si tu oubliais Watson. Non, genre, y'a trop moi qui voudrait rapper comme s'il y avait de quoi à dire, mais y'a rien qui sort, quand tu bouges les lèvres, juste après qu'elle fasse une merde, pourtant t'es sur les baisses comme si tu oubliais Watson. Fais pas si tu dis à des personnes que t'as haï, ou n'importe qui essaie de fâcher ta famille, tu veux squash le beef de façon qui est pas polie, il suffit que tu dis les mixtapes de mes billes. L'autre jour, je marchais tranquillement avec un bac de noms, quand j'y vais un agent, puis j'y rentre dedans. Il m'a dit, toi, tu vas t'en sortir grand, ou je te casse les dents. J'en ai rien à battre, tu frappes dedans. M'en collais sur autant que le gouvernement, je collais du monde qui vote. Même pas capable de faire du porte-porte de plaque appartement. Sors le fort, puis pop une bouteille, parce qu'on part au bord. Va te faire foutre, Chris, par le char. Va te rouler dessus comme un tanka dans un crise de corps et de sort. Quand les cops sont venus, moi, puis Watt, sont là avec du pain sur la planche. C'est le cancel culture, la censure est partout. Peu importe ce que t'en penses. À partir de maintenant, on peut pas dire tout. Faut se fermer quand t'es pas dans le boot. Mais je suis encore, va du valider, de pogner un mic pour te dire ce que je pense. Fait que c'est une barbe, plus brûle qu'un feu sur le barbec. Quand les belles filles sortent avec des titres, genre t'aurais cru que c'est comme un été parfait. C'est pas pire, ben oui. Quand tes potes, c'est leurs îles dans le street. Pas moyen que t'élimines l'envie. Tu sais bien que je t'oublie pas, maybe. Non, genre, y'a trop moi qui voudrais battre comme s'il y avait de quoi dire. Mais y'a rien qui sort quand tu bouges les lèvres. Juste après qu'elle fasse une merde, pourtant t'es sur les baisses comme si t'oubliais Watson. Non, genre, y'a trop moi qui voudrais battre comme s'il y avait de quoi dire. Mais y'a rien qui sort quand tu bouges les lèvres. Juste après qu'elle fasse une merde, pourtant t'es sur les baisses comme si t'oubliais Watson. On reste dans la même place, on rechange pas le même ride. Y'a plusieurs niveaux à ça, Kobe was pas Kobe Bryant. On peut party tonight, we not the same, c'est high. Tu peux tomber de haut en temps fort, j'en ai 35 giants. J'accepte une dernière pinte, j'ai laissé une dernière feinte. Sache que j'ai comprendre d'avoir accumulé autant de haine. You know they trip a lot, c'est comme un open light. Un goût amer qui vient de light, mais c'est pas le good light. La première c'est la fight. Mais la dernière, tu te demandes si t'es vraiment fier de l'aide. Non, y'a pas de problème, non, y'a vraiment pas de problème. Mais si tu chez ma famille, t'entends parler d'un nouveau gang. Tu peux me dans le rêve comme un chino, faut des lives comme un bébé dans son bain. J'te comprends, moi aussi j'feel the même. Quand j'me balade en mêlant pour pas faire dingue. À la télé, y'ont fait ça simple. Ils vont trouver tout le monde beau, tout le monde fin. Ils veulent être cool avec tout le monde et pas décevoir. La rue, c'est le gros méchant, le big recevoir. Si tu m'écoutes, tu peux voir que j'me carré au milieu des gigues. Moi, j'suis rigolé comme haha. Après, j'suis back à maison, ma chérie mama. Avec un purling, on va style and papa. Avec la fafa, mais quand on est pas là, profond littéral, on est connecté comme le wafa. Construire des châteaux au milieu d'une infinie d'ombre. Trop sur le chantier pour faire qu'il le fond. Mais si tu donnes pour sans abri de vue sa face, vois comme il te ressemble, t'es devant une glace. Miroir sur nos comportements dégueulasses. Mais sling, la vie est là plus longue que l'âge. Change qui dit des polices avec aucun badge. Si on est encore libre, ça parle pour des fesses. Depuis que je sais qu'elle a payé, elle fait que la vie a continué. Mais juste prendre du recul et le fucking back. Non, genre, y'a trop moi qui voudrais rapper comme s'il y avait de quoi dire. Mais y'a rien qui sort quand tu bouges les lèvres. Juste pas qu'il fucking merde, pourtant qu'ils sont les baisses comme s'il oubliait Watson. Non, genre, y'a trop moi qui voudrais rapper comme s'il y avait de quoi dire. Mais y'a rien qui sort quand tu bouges les lèvres. Juste pas qu'il fucking merde, pourtant qu'ils sont les baisses comme s'il oubliait Watson. Non, c'est la vie, tomber avec ça. Si on se passe, je se passe. J'aurais fait mon grand passé pour que tu roules avec moi. Nouvelle monde, la passe. Si vous la vie, tomber avec ça. Si on se passe, je se passe. J'aurais fait mon grand passé pour que tu roules avec moi. c'était à la claire ensemble à l'instant du Canada sur le 895 de Dio, l'album Les Paternels clôture cette émission Plus fort j'entends rien. Pour suivre, eh bien, le jeudi 14 dans Des mots des sons sensibles, on parlera notamment du festival de Terre Noire à Saint-Étienne. Et nous jeudi prochain, et nous la semaine prochaine, pardon, on parlera de discrimination de genre dans le monde de la musique en compagnie de l'association Les Rigoles. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Dio. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao.